وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, de s'acquitter de la prière, ou plutôt d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Voici la religion droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapportent l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, « Innama al-a'malu bin-niyyat » Les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Ainsi, celui qui donne pour Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de l'agrément d'Allah et de sa récompense, ce dernier se verra récompensé. Ce dernier se verra accepté et agréé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, s'il donne par ostentation, s'il donne en recherchant les éloges des créatures, s'il donne pour faire bonne figure, s'il donne parce qu'il a honte d'être critiqué pour son avarice et d'autres intentions, s'il donne dans le but de recevoir davantage, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal rejette son aumône. Allah Azza wa Jal rejette son aumône. Il ne l'accepte pas. Il ne le récompense pas pour cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ce qu'il redoute le plus pour les compagnons, c'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Les compagnons étaient dans une assise et ils mentionnaient la fitna de l'Messie ad-Dajjal, de l'Antéchrist. Le prophète alayhi salat wa salam leur a dit, « Ne vais-je pas vous informer d'une chose que je redoute plus pour vous encore que le Messie ad-Dajjal ?» Ar-riya, l'ostentation. L'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation ? C'est le fait de faire l'adoration en l'embellissant afin de recevoir les éloges des créatures. On montre ou on aime être vu afin de recevoir les éloges. On fait pour Allah, mais après cela, on espère les éloges des créatures. Ceci annule l'action. Ceci rend l'action fausse, rejetée, caduque. Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit dans le hadith à thème divin, « Ana aghna shuraka'i 'ani shirk » Je suis celui qui se passe le plus d'associés. « Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirka » Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque fait une action en m'assignant dans celle-ci un égal, un associé, je le délaisse lui et son association, lui et son associé. Donc ça, c'est le premier comportement et c'est le comportement le plus important. Sans quoi, l'acte n'est pas accepté chez Allah. Car vous n'êtes pas sans savoir que l'adoration, pour qu'elle soit acceptée chez Allah, il faut deux conditions. La première, la sincérité, agir pour Allah. Et la deuxième, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la conformité avec sa sunna. Sans quoi Allah azza wa jalla n'accepte pas l'acte d'adoration. Voici le premier comportement. Agir pour Allah. Donner pour Allah. Et selon ce comportement-là, s'il est adopté, découlera tout le bien. Et s'il n'est pas adopté, alors tout le mal en découlera, iyadhan billah. Le deuxième comportement, le fait, yani adam itba'iha bil man wal adha, le fait de ne pas faire suivre cette adoration, cette aumône, par al man et al-adha, c'est-à-dire rappeler ses faveurs à celui à qui on a donné la sadaqa. Je t'ai fait ceci et je t'ai donné cela et j'étais là pour telle chose et dans telle difficulté. Je t'ai fait ça, ne te rappelles-tu pas? C'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui étais là, et ainsi de suite. Et al-adha, le tort, la nuisance. Donc, le deuxième comportement, le fait de ne pas faire suivre les dons de rappel de ses faveurs ni de tort. On ne doit pas rappeler sa faveur et son mérite à la personne et on ne doit pas lui causer de tort. Dans Sourate Al-Baqarah, prenez les versets après Ayatul Kursi, après yani les versets 262 et plus encore, il y a les comportements lors de Sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الله تبارك وتعالى الآيات الله تبارك وتعالى nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel ni d'un tort. Dire, ils ne vantent pas leur mérite sur la personne et ne lui causent pas du tort par la suite. Ces gens-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils ne seront point affligés. Allah Azza wa Jal leur enlèvera la peur et leur enlèvera la tristesse. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Valent mieux qu'une aumône suivi d'un tort. Et certes, Allah se passe largement de tout. Yani Allah Rani, il est riche dans le sens où il se passe largement de tout et il est indulgent. Aux croyants, aux vous les croyants, n'annulez pas vos aumônes en vantant vos mérites et en causant un tort, par un rappel ou un tort. Donc, celui qui s'adonne à ces mauvaises paroles, à ces mauvaises pratiques, après son aumône, Allah Azza wa Jal l'annule. Allah Tabaraka wa Ta'ala la rejette. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos aumônes en faisant ce rappel ou en causant un tort. Comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. Donc voici ici un grand verset renfermant ce noble comportement, le fait de préserver son aumône. Le fait de préserver son aumône, de faire la bonne action, c'est une excellente chose. Mais il faut par la suite la préserver de toute annulation. De toute annulation. Ça, c'est un chapitre très important dans la religion. C'est l'endurance après la bonne action. Et c'est un chapitre malheureusement ignoré par bon nombre d'entre nous. C'est après avoir fait la bonne action, il y a une endurance. C'est de préserver cette action. Si elle est cachée, de la laisser cachée entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième comportement lors de l'aumône, lors du don, est sadaqa ou tasadduq min malin halal wa kasbin tayyib. Le fait de donner en puisant de nos biens qui sont licites et qui sont bons. Donc, c'est de dépenser de ce qui est licite. Et cela comprend, bien évidemment, le fait que la personne ait un métier licite, que la personne ait des gains licites, qu'elle travaille dans un domaine permis par Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'elle ait des biens licites. Ainsi, elle pourra faire des sadaqat, des aumônes avec des biens licites. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, où نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Donc dans Sourate Al-Baqarah, le verset, vous regarderez la traduction du verset 267. Ô vous qui avez cru, dépensez des bonnes choses. Dépensez des bonnes choses, des choses licites, des choses bonnes, des choses pures. De ce que vous avez gagné. Et de ce que nous vous avons fait sortir de la terre. Et ne vous dirigez pas vers le mauvais afin de le dépenser. Et à la fin du verset, on nous mentionne deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut méditer dans ce contexte. Dans ce contexte. Wallah, ou plutôt wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid. Sachez qu'Allah est riche. Il se passe de tout. Il a la suffisance totale et absolue. Et c'est al-hamid. Il est digne de louange. Si tu ne te rapproches pas d'Allah parce qu'il t'a légiféré, sache qu'Allah n'a pas besoin de ton acte. Il n'a pas besoin de ton aumône. C'est lui qui accorde la subsistance à ses serviteurs. C'est lui qui donne. Donc, si tu veux te rapprocher d'Allah, si tu veux faire du bien, fais-le comme il te l'a légiféré. Dans le cas contraire, sache qu'Allah se passe largement des mondes. Il n'a besoin de personne. Et Allah, c'est Al-Hamid. Que nous le louons ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le digne de louange. Et si tu le loues, et si tu avais pu faire même cela à la perfection, de toute façon, Allah mérite cela. Le mérite tout entier lui revient, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, « Inna Allaha tayyibun. » La yaqbalu illa tayyiba. Certes, Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Certes, Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Allah Azza wa Jal est bon, il est parfait, il est pur dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Il a la perfection absolue. Allah Azza wa Jal, dans ce qu'il a créé, il a créé à la perfection. Il n'y a pas de défaut. Si tu regardes les cieux, si tu regardes la terre, si tu regardes les mers, si tu mérites sur ta propre personne, wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même ne voyez-vous pas? Dans toute chose, il y a un signe de la perfection d'Allah Azza wa Jal, de sa toute-puissance, de sa science, de sa sagesse, de sa volonté, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, nous devons d'étudier ce domaine. Étudions ce domaine afin que même l'aumône la plus minime dépasse la lourdeur des montagnes et leur grandeur. Si Allah Azza wa Jal n'a fait que ce qui était parfait, il t'a créé à la perfection, il t'a mis sur une terre qu'il a créée à la perfection, qu'il a embellie, est-ce que toi par la suite tu vas te rapprocher d'Allah avec des choses qui sont mauvaises, des choses qui ne sont pas pures, des choses qui sont défectueuses, défaillantes? Non, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah avec des choses qui sont haram. Le troisième comportement, le fait de dépenser du meilleur de ce que nous avons ou de ce que nous aimerions recevoir. Ne pas donner les restes, ne pas donner ce qu'on n'aurait pas aimé recevoir. Dans Sourate Ali Imran, Dans Sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. Vous n'atteindrez la bienfaisance, l'excellence dans cela, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez, de ce qui vous est cher. Puis on nous encourage dans cette action en rattachant la bonne action à la science d'Allah. Ça veut dire qu'Allah l'aime, ça veut dire qu'Allah l'agrée, ça veut dire qu'il vous rétribuera avec largesse et vous donnera de grandes récompenses et que c'est une adoration. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ. Toute chose que vous dépenserez, toute chose que vous donnerez, Allah en est connaisseur. Que ce soit la moitié d'une date, ou que ce soit une montagne d'or, Allah Azza wa Jal, sa science y est rattachée, donc tu seras récompensé. Abu Talha radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, il est parti trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Lui a dit: Ya Rasulallah, Allah a révélé ce verset. Et la richesse que je chéris le plus, c'est mon jardin. Mes souvenirs sont bons, s'appelle Bay Ruha ou quelque chose de semblable. Et je le donne en aumône pour Allah. Je le donne pour la cause d'Allah. Abdullah ibn Omar aimait particulièrement certains fruits. Et lorsqu'on les lui apportait, il rencontrait un pauvre, il les lui donnait. On lui disait: mais on s'est fatigué pour t'amener cette chose. Et toi tu la donnes? Il dit: parce que je l'aime. En référence à ce verset et d'autres. C'est ainsi qu'étaient les pieux prédécesseurs. Ils se rapprochaient d'Allah en donnant de ce qu'ils aimaient le plus. Et lorsqu'ils aimaient trop une chose, ils la donnaient en aumône, de peur que ce soit une fitna pour eux. Subhanallah. Le quatrième comportement, al-infaqu fi sarra'i wa darra, le fait de faire des aumônes lorsque tu es aisé et lorsque tu ne l'es pas. Certains font des aumônes que lorsqu'ils ont des problèmes, que lorsqu'ils sont malades. D'autres font des aumônes que lorsqu'ils ont vraiment beaucoup de richesses. Mais Allah Azza wa Jal a décrit que l'excellence, a mentionné que l'excellence se trouvait dans le fait de faire des aumônes dans toute situation, selon sa capacité. Dans Sourate Ali Imran, il nous dit, Tabaraka wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةِ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre préparés pour les gens pieux. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, qui contiennent leur rage et qui pardonnent aux gens. Allah certes aime les bienfaisants. Allah Azza wa Jal ici nous appelle à nous empresser vers le pardon de notre Seigneur et vers un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Qui sont ces gens pieux? On nous cite des caractéristiques. La première, ils dépensent dans l'aisance. La deuxième, ils dépensent dans la difficulté également. La troisième, lorsqu'ils sont en colère contre une personne, ils contiennent cette rage. Ils se retiennent. Ils ne la développent pas, ils ne la mettent pas en pratique, ils n'agissent pas en conséquence. Et la caractéristique suivante, Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah aime les bienfaisants. Allah aime les bienfaisants. J'ai oublié, wal'afina 'anil nas, ceux qui pardonnent aux gens. Ils contiennent leur rage, puis ils dépassent ce niveau-là. Ils vident leur cœur de toute haine et rancœur à l'égard de ce croyant-là. Et Allah aime les bienfaisants. Puis ils dépassent ce niveau-là encore et arrivent au niveau de l'excellence, c'est-à-dire qu'ils leur font même du bien. Subhanallah. Au début, Il avait la haine contre lui, à la fin il se retrouve à lui faire du bien. Qu'est-ce qui l'a amené à cette noblesse de caractère? C'est l'islam, c'est la sincérité, la recherche de l'agrément d'Allah, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième ou sixième comportement, irfa ou sadaqa, le fait de cacher son aumône. Le fait de cacher son aumône. La base est que on cache l'adoration. On la laisse entre nous et Allah afin qu'elle soit le plus sincère possible. Même si dans certains cas, dans certaines situations, lorsqu'il est plus sage de la montrer, ben c'est le mieux. Pourquoi? Pour qu'on soit pris pour exemple et que les gens suivent afin qu'on soit encore plus utile aux besogneux. Donc, le comportement suivant est de cacher cette aumône et de la laisser entre nous et Allah. Entre le minimum de personnes possibles par la suite. Il peut y avoir une nécessité qu'une personne ait connaissance de cette aumône. Ça ne nous nuit en rien tant que nous sommes sincères. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit « In tubudu sadaqati fa ni'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fuqara'a fa huwa khayrun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'amaluna khabir. » Dans Surat al-Baqarah, « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. » Mais c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc, toute sadaqat est bonne. Et si tu la donnes en public, c'est bon. Mais si tu la caches en la donnant aux pauvres, alors c'est encore meilleur pour toi. C'est encore meilleur pour toi. Et on te cite ici une grande récompense. L'expiation des péchés. L'expiation des péchés. Le comportement suivant, le fait d'être dans le juste milieu dans les dons. Ni donner avec excès sans mesure, ni être avare. Dans Surat al-Furqan, Allah Azza wa Jalla a décrit les serviteurs du Tout Miséricordieux, les bienfaisants, ceux qui sont dans l'excellence, aimés du Tout Miséricordieux, comme étant des gens qui font des aumônes. Mais ils n'ont pas d'excès et ils n'ont pas d'avarice. Alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Parmi les comportements, le fait de dépenser pour la cause d'Allah Azza wa Jal en étant en bonne santé et proche de son argent. Dans le sens, il n'arrive pas à la fin de sa vie, il s'apprête à mourir, il dit « je donne ça et je donne ça et je donne ça ». Non, il est en bonne santé, il aime l'argent qu'il possède, il a peut-être travaillé dur pour l'avoir, mais il le donne pour celui qu'il a aimé au-dessus de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte. Ja'a rajulun la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala. Un homme est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit. Ya rasulallah, ayyu sadaqati a'zamu ajra. Quel est l'aumône qui renferme la plus grande récompense? Qal anta tasaddaq. Ou anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqr wa ta'malu al-ghina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Que tu fasses une aumône alors que tu es en bonne santé, et que tu souhaites cet argent-là. Tu crains peut-être même la pauvreté et tu espères la richesse. Wala tahmil, wala tahmal hatta idha balagta al-hulqum kult. Et ne sois pas négligent jusqu'à atteindre le niveau de l'agonie pour enfin dire li fulan kaza wa li fulan kaza wa kana wa qad kan akhrajahu al-bukhari wa muslim. N'attends pas le moment de l'agonie lorsque l'âme atteint le gosier ou la gorge pour dire enfin Ceci est pour un tel et ceci est pour un tel. En effet, ça, c'est pour un tel. Maintenant, yani la personne va mourir. Son argent ne lui appartient désormais plus. Parmi les comportements, le fait de ne pas être trop minutieux, le fait de ne pas être trop minutieux, de ne pas être avare, de ne pas être avare, et de ne pas retenir ce qui ne nuit, ce dont la donation ne nous nuit en rien. Ne nous nuit en rien. Dans le hadith de Asma, la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhum, rapporté par Al-Bukhari, et également par l'imam Mada, j'ai un doute s'il est dans le recueil, Naam, dans le recueil de l'imam Muslim également, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, La tu'i fayu'i Allah alayk. Irdihi ou irdahi mastata'ati. Et dans l'autre version, La tu'si fayu'si Allah alayk. C'est-à-dire, dépense sans trop de retenue tant que tu en as la capacité. Et ne remets pas le bien dans son récipient. Et ne remets pas le bien dans son récipient. Sinon, Allah Azza wa Jal fera de même. Sinon, Allah Azza wa Jal fera de même. Et dans l'autre version, ne sois pas trop minutieuse dans le poids de ce que tu vas donner. Sinon, on sera minutieux à ton égard. Traduction très approximative. Annie, ce qui est voulu, c'est le fait de ne pas faire d'aumône en craignant trop l'épuisement de ses biens. Car dans le cas contraire, ça sera une cause pour qu'on nous coupe la bénédiction de nos biens. La bénédiction de nos biens. Le fait de trop compter face aux gens. Lorsqu'on donne, alors qu'Allah Azza wa Jal nous donne et nous rajoute et nous remplace, c'est une cause de diminution des biens et de disparition de maada de bénédiction. Parmi les comportements, il y a également le fait de donner le surplus de ce qu'on possède en aumône. Comme Allah Azza wa Jal nous le mentionne dans le Coran lorsqu'ils ont questionné ma'adha yunfiqoun, qu'est-ce qu'ils doivent dépenser? Qulil afu, dit ce qu'il y a en plus. Parmi les comportements, le fait de donner aux proches parents, à la famille en premier, aux proches parents et ainsi de suite, du plus proche au plus proche. Donc on commence par les proches, par la famille. Femmes, enfants, ou parents, femmes, enfants, tante maternelle, oncle, tante, et ainsi de suite. Dans Surat al-Baqarah, verset 215, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Il te questionne au sujet de ce qu'ils doivent dépenser. Dis, tout ce que vous dépensez comme bien est pour les parents, les proches, les orphelins, les pauvres, l'enfant du chemin, c'est-à-dire le voyageur à qui on a coupé les vivres et n'a pas ce qu'il lui faut pour atteindre sa destination. Et tout ce que vous faites, Allah en est certes connaisseur. Encore une fois ici, et ça c'est une règle, on a rattaché la bonne action à la science d'Allah. Ceci signifie que c'est une adoration qu'Allah aime et agrée. Il donnera donc une grande récompense à ces gens-là. Dans le verset 219, وَيَسْأَلُونَ كَمَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Et ils te demandent, que doivent-ils dépenser? Ils t'interrogent, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères et les proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs indigents, et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Dans l'autre verset, ils t'interrogent, et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Naam, voici la fin du verset 219. Parmi les comportements, il y a également le fait de se presser. Le fait de se presser de donner. Naam, le fait de se presser de donner l'aumône. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. N'est-ce pas? Ainsi, si elle retarde ses dons, il se peut que l'ange de la mort vienne récupérer son âme alors qu'elle voulait, alors qu'elle pensait, alors qu'elle avait prévu de faire as-sadaqa. Non, il faut se presser. Allah Azza wa Jal nous promet un pardon et Shaitan nous fait peur de la pauvreté. Nous fait peur de la pauvreté. Donc il faut donner. Il faut donner rapidement et tu remarqueras sur ta propre personne que lorsque tu donnes vite, tu donnes plus. Et lorsque tu tardes, tu dis « Ah mais, il faut que je paye le loyer. Ah mais, il faut que, ah mon épouse, ah mon enfant, ah mais, mes projets, ah mais plus tard. Et se peut que, ah on sait jamais si, par précaution, et ainsi de suite. » Donc, il faut donner rapidement afin que Shaitan ne nous décourage pas. Et afin que qu'on ne meure pas avant d'avoir pu donner cette aumône. Afin d'avoir pu donner cette aumône. On ne sait pas quand est-ce que la mort se présentera à nous. Et je vous rappelle le hadith. Seb'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arshi. Il y a sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal ce jour où il n'y aura pas d'autre ombre, si ce n'est celle-ci. Et parmi eux, un homme qui a fait une aumône tellement sincère, donc un homme, ça englobe les femmes également, que sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite a donné, ou que sa main droite n'a pas su ce que sa main gauche a donné, dans l'autre version. Donc le fait de cacher l'aumône, le fait d'être sincère dans cette aumône, c'est une cause pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection. Il faut chercher ces récompenses et il ne faut rien négliger du bien. Il ne faut rien négliger du bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasari'u et empressez-vous. Il nous dit wastabiqul khayrat. Et concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Parmi les comportements dans As-Sadaqa, le fait de donner même lorsqu'on a peu. Certaines personnes, dû à peut-être un phénomène sociétal, ou ostentatoire, ou d'éducation ou autre, ils ont honte de donner lorsque c'est peu. Ils disent « Ah, mais c'est la honte. Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Subhanallah. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal va dire de toi ? Il va faire tes éloges. Il va agréer ton action. Il va l'accepter. Il va la prendre de la main droite. Il va la faire fructifier. Il va l'immensifier jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau des montagnes. Comme c'est venu dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ittaqun nar walau bi shiqqi tamra » « Prémunissez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. » C'est beaucoup la moitié d'une date? Non. Certains parmi les pieux prédécesseurs, chaque jour, essayaient de faire une sadaqa, selon leurs moyens. Et lorsqu'ils n'avaient rien, ils donnaient même un légume, ils donnaient même un oignon, ils donnaient, subhanallah. Et s'ils ne trouvaient rien à donner, alors ils sortaient, ils cherchaient une personne dans le besoin pour l'aider dans un travail. Pour l'aider à construire, pour l'aider à monter un mur, pour l'aider à porter des courses, pour l'aider à porter de l'eau, et ainsi de suite. Ils ne délaissaient jamais, ils ne laissaient jamais un jour passer sans faire une sadaqa, ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Donc ne soyons pas négligents. Ne soyons pas négligents. Ne soyons pas avares envers nos propres personnes. Celui qui a une date, il donne en aumône une date. Celui qui a celui qui a une pomme de terre, un oignon, il donne cela, subhanallah. C'est une sadaqa. Peut-être que c'est l'action qui le fera entrer au paradis. Naam. Il accompagne cela d'une bonne parole. Il accompagne cela d'un verset ou d'un hadith. Qu'est-ce qui l'empêche de faire cela? Subhanallah. Donc, avec la sincérité, inshallah ta'ala, la petite action deviendra immense. Bi'idhnillahi azza wa jal. On peut mentionner le verset de sourate Al-Munafiqun. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ. Et dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Et disent, ô mon Seigneur, si tu m'avais donné un répit, j'aurais fait des aumônes. Ou pourquoi ne me donnes-tu pas un répit afin que je fasse des aumônes? Subhanallah, il avait la santé, il était en vie, il a vécu longuement, mais il a été avare. Maintenant que la mort se présente à lui et ne lui donne pas le choix, il veut faire des aumônes, il veut du temps. Et sachez que ceux qui mourront, parmi ceux qui n'agissaient pas, vont souhaiter revenir sur ce bas-monde. Qala rabbi irji'un. Ô mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi? Pour aller voir ses proches? Pourquoi? Pour faire du commerce? Pourquoi? Non. Afin de faire de bonnes actions. Afin de faire la salat, de faire sadaqa, de faire siyam, de se repentir, de demander pardon aux gens, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. الله أكبر. ويقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فما اليوم فلا حاجة لي بها. Écoutez ce hadith étonnant rapporté par Al-Bukhari, Muslim et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites des aumônes avant que ne vienne une époque, un temps, dans lequel l'homme marchera avec son aumône et il ne trouvera personne qui l'accepte. Allahu Akbar. Il ne trouvera personne qui l'accepte. Et l'homme lui répondra, si tu étais venu à moi, si tu étais venu à moi, hier je l'aurais accepté. Par contre aujourd'hui, je n'en ai aucunement besoin. Avant, tu donnais yani, quelques légumes. Les gens acceptaient, se réjouissaient et faisaient énormément de dua pour toi. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, on témoigne d'une chose qui est blâmable et mauvaise. Lors de Zakat al-Fitr, qui doit être donnée en nourriture, comme on l'étudiera incha'Allah ta'ala de manière détaillée, certaines personnes, lorsque tu leur donnes de la nourriture, l'acceptent mal ou la rejettent et te font un geste déplacé de la main ou froncent les sourcils et te disent « je n'ai pas besoin de ça, je veux de l'argent ». Non, certains n'acceptent pas. Certains n'acceptent pas. Et ça, c'est bien évidemment un mauvais comportement. Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, a dit: Inna al-khayra yanbaghi an yubadira bihi أن يبادر بي، فإن الآفة تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. Lorsque tu veux faire un bien, empresse-toi de le faire, car les défauts et les empêchements peuvent vite arriver, et la mort, tu n'en es pas à l'abri. Et de repousser à plus tard, ça n'est pas louable. Ça n'est pas louable. Parmi les comportements, le fait de chercher ceux qui ont le plus besoin et ceux auxquels on ne pense pas. Parce que le prophète a mentionné des besogneux dont nous ne sommes pas au courant parce qu'ils ne demandent rien. Parce qu'ils ne demandent rien. Donc, il nous faut chercher ceux qui sont dans le besoin pour les aider. À nous de faire les. À nous de faire l'effort. À nous de faire l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Baqarah, le verset 273: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. L'ignorant les pense très riches. Mina ta'afouf, tellement ils se retiennent et ne demandent rien. Ta'arifouhum bisimahum, tu les reconnaîtras avec les, par des signes. La yas'alouna an-nasa ilhaf, elles ne demandent rien à personne. Wa ma tunfiqou min khayrin fa inna Allah bihi alim. Tout ce que vous dépensez, certes Allah en est parfaitement connaisseur. Parmi les comportements, il y a le fait de préserver l'honneur du pauvre, ou le fait de préserver l'honneur de celui qui est dans le besoin. Certains, par ignorance, par distraction, par manque d'éducation ou autre, par exemple, propagent des noms, ou propagent la situation difficile, ou mentionne en pensant faire le bien, notre frère, un tel, il cite son nom, il cite son prénom, il cite sa ville, son adresse, peut-être la mosquée dans laquelle il prie, il a une grande difficulté, il est dans telle situation. Mais subhanallah, tu cites tous les détails, et ensuite ce dernier va sortir, il va aller à la mosquée, il va se mélanger aux gens, il aura honte, il sera dans la gêne. Non, préserve l'honneur de la personne. Mentionne les détails nécessaires et suffisants pour qu'Allah fasse bouger le cœur des croyants. Na'am, mais ne dis pas trop de points de la vie privée de la personne. Sturhum. Allah Azza wa Jal aime qu'on couvre la situation. Allah aime qu'on, comme on couvre les péchés. Donc on dit le nécessaire seulement. Et les données doivent être confidentielles. Seuls ceux qui ont besoin de savoir cela devront le savoir. Quant aux autres, s'ils travaillent, ils travaillent pour Allah Azza wa Jal. Donc ils n'ont pas besoin de savoir trop de détails. Nous mentionnons que ce qui est nécessaire. Par la suite, il n'y a pas de mal à faire un compte rendu et rentrer la joie dans le cœur des donateurs et encourager ceux qui n'ont pas encore donné ou qui veulent donner encore plus en montrant le fruit de leur travail de ce bas monde. Et certes, la récompense dans l'au-delà, si nous sommes sincères, est immense et incommensurable, inestimable. Donc on préserve l'honneur des gens. On n'en fait pas un sujet de conversation dans les assises publiques, on préserve leur honneur. Na'am, si tu peux même donner sur le pas de la porte, sonner et partir, sans toi voir la personne et sans qu'elle te voie, afin de la préserver et de préserver toi ton action, de la préserver elle dans sa dignité, fais-le. Donc la remarque ici, c'est de faire attention à la dignité de nos frères et sœurs dans le besoin. C'est de faire attention à ne pas casser le cœur des pauvres. Ça, c'est un but dans la religion. Le fait de ne pas casser le cœur du croyant. On fait attention à leur ressenti. On fait attention à leur dignité. Barakallahu feikum. Voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Et on finit sur la parole d'Imam Al-Sha'bi rahimahullah ta'ala qui disait, donc le comportement qu'on peut énoncer ici, c'est le fait de ne pas se voir plus grand que le pauvre, de ne pas se voir meilleur que le pauvre, de ne pas voir que c'est nous qui aidons le pauvre, mais plutôt lui, mais plutôt Allah qui nous a aidés par sa cause. C'est-à-dire que de lui donner, c'est un plus grand besoin pour nous que lui de recevoir de notre part. Que lui de recevoir de notre part. L'imam al-Sha'bi rahimahullah ta'ala disait, si tu ne considères pas ton besoin devant la sadaqa pour avoir la récompense d'Allah plus grand que le pauvre a besoin de ton don, de ton aumône, alors elle n'est pas acceptée, elle t'est jetée au visage. Ou comme il a dit, rahimahullah ta'ala. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos aumônes et les vôtres et de nous aider à dépenser pour sa cause en espérant uniquement sa récompense. En espérant uniquement sa récompense et aucunement les éloges de ses créatures. Et aucunement les éloges de ses créatures. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمي كما ربتني صغيرا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأزواجنا اللهم اغفر لذرياتنا اللهم اصلحهم اللهم اصلحهم اللهم وفقهم اللهم وفقهم يا رب العالمين اللهم أعنا على تربيتهم اللهم أعنا على تربيتهم اللهم أعنا على تربيتهم اللهم اجعلهم من الشاكرين من الأبرار من الأبرار من المصلين من الصائمين من الذاكرين من الموحدين من المتبعين لأثر رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين Et j'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre chaîne et de votre chaîne Telegram qu'on a appelé Muhsinoun qu'on a appelé Muhsinoun bienfaisant Et on y postera régulièrement, inshallah, les différents projets de bienfaisance. L'occasion pour vous de faire des sadaqat. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avons pu acheminer partie de l'argent en Mauritanie. Et régulièrement, depuis cela, plus de 200 personnes mangent chaque soir donc un repas. Il y a parmi eux des hommes, parmi eux des femmes, parmi eux des enfants, parmi eux un groupe d'orphelins étudiants. Il y a des personnes ayant fait la hijra. Walhamdulillah. Et nous envoyons également au Mali pour l'achat de denrées alimentaires. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, hier, il y a une partie qui a également été envoyée au Niger. Tout cela dans le même but, de mettre une partie de nos frères et sœurs, parents et enfants, à l'abri du besoin en ce mois béni. Inch'Allah ta'ala, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on espère poursuivre ce projet même par la suite. Par ailleurs, il y a actuellement le forage de deux puits en cours et trois autres à venir, bi'idhnillahi Azza wa Jal. Donc, je vous annonce ces bonnes nouvelles pour ceux qui s'entraident avec nous, avec leurs frères et sœurs. Jazakumullahu khayran. Puisse Allah Azza wa Jal vous récompenser en bien. Puisse Allah Tabaraka wa Ta'ala remplacer vos biens. Puisse Allah Azza wa Jal bénir vos biens, vos familles et vos enfants. Et aujourd'hui, Inch'Allahu Ta'ala, il y aura une grande distribution en France, dans le 93 et Paris. Aujourd'hui, Inch'Allahu Ta'ala, avec nos chauffeurs bénévoles qui travaillent pour la cause d'Allah, Inch'Allah Ta'ala, il y aura la distribution pour acheminer les colis alimentaires pour près d'une trentaine de familles. Incha'Allahu Ta'ala, parmi eux, il y a une veuve, parmi eux, il y a des femmes élevant seules leurs enfants, il y a des personnes endettées et autres. On demande à Allah Azzawajal de bénir l'action des chauffeurs et des donateurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.